إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est au cours numéro 3 aujourd'hui dans l'explication de la fin des versets de sourate Al-Ahzab par le Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et la semaine passée, on expliquait le verset 60 et le verset 60, oui, on a terminé avec le verset 60 qui dit la illam yantahi al-munafiquna wal-ladhina fi qulubihim maradun wal-murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Et donc ça signifie certes si les hypocrites, ceux qui ont la maladie au cœur, et les alarmistes, hein, ceux qui effraient les musulmans à Médine, ne cesse pas, nous t'inciterons contre eux et alors ils n'y resteront que peu de temps en ton voisinage. Et le verset 61, c'est le verset par lequel on commence aujourd'hui. C'est Mal'ounin, aynama thuqifu, ukhidhu wa qutilu taqtila. Ce sont des maudits, où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Telle était la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah. Donc le cheikh explique maintenant ces versets-là. Il dit والذين في قلوبهم مرض ملعونين يعني مطرودين من رحمة الله سبحانه وتعالى أينما ثقفوا أي في أي مكان وجدوا فقد لاحقتهم لعنة الله لأنهم آذوا المسلمين وأرجفوا ونشروا الشر ومرض الشبهة والشهوة فالذين يروجون الآن في الصحف والمجلات والكتابات يروجون أفكار الكفار ودعوات الكفار يطلبون من المسلمين التنازل عن دينهم ويهددون المسلمين إذا لم يتنازلوا عن دينهم أن الكفار سيتغلبون عليهم وسيحصل كذا وكذا ويرهبون الناس هؤلاء هم المرجفون في الأرض حكمهم سواء أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا تلحقهم اللعنة يلاحقهم الخوف بدل من أن يخوف بدل ما خوفوا المسلمين أنزل الله بهم الخوف فلا يأمنون في أي مكان والعياذ بالله دائما يخافون القتل وأن ولاة المسلمين يلاحقونهم لينفذوا فيهم أمر الله فهذا وعيد شديد لهؤلاء. Donc le cheikh explique, il dit ils sont maudits, ce sont des gens qui sont maudits. Qu'est-ce que ça signifie quand on dit que quelqu'un est mal'oun, hein? Et al-la'na, qu'est-ce que ça veut dire en arabe? Le cheikh il dit ça veut dire hum matroudina matroudina min rahmatillah al-unin yani matroudina min rahmatillah, c'est-à-dire ils sont chassés, ils sont repoussés ou éloignés de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que ça signifie quand on dit mal'oun, maudit. Al-la'na, c'est ça que ça signifie, ça veut dire quelqu'un qui est sorti ou qui est éloigné ou chassé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aynama thuqifu, c'est-à-dire peu importe dans quel endroit on va les trouver, peu importe où ils se trouvent, la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala tombe sur eux et les retrouve. Parce qu'ils ont fait du tort aux musulmans, ils ont offensé les musulmans et ils les ont effrayés. et ils ont diffusé le mal parmi eux, soit que ce soit parmi les maladies de leur désir ou les maladies qui sont dans leur cœur par rapport aux doutes qu'ils ont face à la religion et des choses de ce genre. Donc le cheikh il dit, ceux qui propagent aujourd'hui dans les pays musulmans, et également dans les sociétés non musulmanes aussi, hein, ceux qui propagent des nouvelles parmi les musulmans dans leurs magazines, dans leurs journaux, dans leurs livres, qui veulent propager les idéologies et les pensées des kuffars et les appels et les invitations des kuffars vers la mécréance ou vers le kufr ou vers l'égarement, hein, et qui veulent que les musulmans fassent des compromis dans leur religion et qui les menacent, qui menacent les musulmans que si les musulmans ne font pas de compromis dans leur religion et n'abandonnent pas certains aspects de leur religion, les kuffars vont prendre le dessus sur eux et il va y arriver du mal et des choses de ce genre. Donc ces gens-là, ils font peur aux gens. Ces gens-là, ils effraient les musulmans et ils font peur aux musulmans. Ils leur disent, si vous parlez de l'islam, si vous dites telle chose sur l'islam, si vous enseignez telle chose au sujet de l'islam, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes de la part des koufars, les koufars vont vous donner des ennuis, les koufars vont faire ci et ça, et ils font peur aux musulmans avec ça. Alors qu'il n'y a pas de raison d'avoir de crainte ou d'avoir de peur, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il nous a ordonné de transmettre sa religion et d'enseigner aux hommes sa religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il avait beaucoup plus de raisons d'avoir peur que nous aujourd'hui, hein, quand ils transmettaient l'islam, parce que les mouchriquins à l'époque, ils étaient beaucoup plus durs parfois, et il n'y avait pas toutes les ententes qu'il y avait aujourd'hui au début, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prêcher l'islam. Et les mouchriquins voulaient le tuer, hein, voulaient tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils faisaient des planifications pour le tuer. Et combien de fois ils sont venus affronter le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer d'exterminer les musulmans, hein? Et malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a protégé les musulmans et il a fait que cette da'wa et cette religion soit propagée et soit répandue dans le monde entier. Et aujourd'hui, hein, on estime le nombre des musulmans à plus d'un milliard. Donc c'est juste un exemple. Et pour vous faire comprendre que lorsque on a vraiment confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et on veut faire avancer la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir de la crainte. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ça dans le Coran. Il dit à son prophète, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah va te protéger des hommes. Donc fais ton devoir, appelle les gens selon la méthode du Coran, selon la méthode de la Sunna, selon la voie des ulama de l'islam, les ulama qui ont suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le reste, mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, ces gens-là qui étaient à Médine à l'époque, ils voulaient faire peur aux musulmans et ils propageaient entre eux des nouvelles et des informations et des paroles pour que les gens commencent à avoir peur. Et ils effraient les musulmans en parlant de cette manière-là. Et il y en a beaucoup de ce genre-là, de cette catégorie-là de musulmans aujourd'hui, hein, qui parlent des koufars d'une manière pour faire peur aux musulmans. Ils vont même jusqu'à dire, lorsqu'ils veulent parler aux musulmans, ils vont même jusqu'à dire, il faut pas dire le mot kafir, ou il faut pas dire le mot koufar. Parce que si vous dites le mot koufar, le mot kafir, lorsque vous parlez, des non-musulmans, ça peut vous donner des problèmes parce qu'ils vont mal comprendre ou bien ils vont pas savoir qu'est-ce que ça signifie. Et ça c'est grave en réalité, parce que le mot kuffar il est écrit dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le mentionne dans la Sunna. Et donc c'est comme Cheikh Al-Fawzan il dit, si vous pensez de cette manière-là, alors il va falloir effacer des versets dans le Coran qui nous ordonnent, hein, d'aimer en Allah et de détester en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est vraiment ridicule. Et donc ces gens-là, le verdict pour les gens qui sèment la peur parmi les musulmans et qui sèment la crainte et qui sèment le désordre parmi les musulmans, c'est dans le verset 61 qu'il est expliqué qu'ils sont maudits et que où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Hein? peu importe où ils sont, le verdict va s'appliquer sur eux et c'est eux qui vont avoir peur au lieu des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala va faire tomber sur eux une crainte et ils ne seront jamais en sécurité, peu importe où ils iront sur la terre. Que Allah nous protège de ça. Donc, ils vont toujours avoir peur d'être exécutés. Ils vont toujours avoir peur d'être exécutés et que les dirigeants musulmans fassent exécuter sur eux le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une menace très dure pour ces gens-là. Bien entendu, c'est pas comme des gens pourraient imaginer que les musulmans vont prendre des individus comme ça puis les tuer comme ça de leur propre chef ou de leur propre gré, comme font les Khawarij et les Takfiriyin qui veulent appliquer par eux-mêmes les jugements d'Allah. Non, c'est bien entendu les responsables musulmans dans les pays musulmans qui sont au pouvoir, qui sont responsables officiellement et qui ont la capacité d'appliquer la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, sur des gens de cette catégorie-là, lorsqu'ils seront jugés, lorsqu'ils seront amenés devant la loi musulmane, eh bien, ils vont être jugés de cette façon. Puis, si on a vérifié que ce sont des gens qui sèment le désordre dans les pays musulmans, eh bien, ils vont être punis de cette manière-là. C'est ça. Donc, les dirigeants vont faire en sorte que le verdict sera appliqué sur ces individus-là qui sèment le désordre dans les pays musulmans et qui font peur aux autres musulmans. Donc le cheikh il dit ensuite: ثم قال جل وعلا سنة الله في الذين خلوا من قبل هذه سنة الله في كل من فعل هذا الفعل في الأولين والآخرين أنهم يسلط عليهم أهل الإيمان ويمكنهم الله منهم فيلاحقونهم في أي مكان فيذيقونهم أشد العقوبات والسنة هي الطريقة فهذه طريقة الله جل وعلا في عباده لأن الله لا يترك أهل الشر يعيثون في الأرض فسادا وينشرون الرعب والتخويف والإشاعات الباطلة لا يتركهم الله جل وعلا لا في الأولين ولا في الآخرين. Ça, c'est ce qu'on a vu aussi de la part des gens qui font le terrorisme au nom de l'islam et qui veulent enseigner aux gens le terrorisme au nom de l'islam. On a vu que ces gens-là, ils ont causé beaucoup de peur et beaucoup de crainte aux musulmans par la suite du fait qu'ils ont propagé de la terreur et ils ont fait de la destruction sur la terre. Et ça a eu des répercussions sur les musulmans, parce que par la suite les musulmans ont souffert de ça. Maintenant, ceux qui veulent pratiquer l'islam, le Coran et la Sunna, ils se font marginaliser facilement du fait qu'ils portent la barbe, du fait qu'une sœur veut porter le sitar ou se voiler comme il faut. On les associe soit directement ou soit indirectement à des gens qui font du terrorisme ou qui font de la violence sur la terre. Et donc, à cause de ces individus-là qui ont suivi une voie d'égarement parmi les Khawarij, etc., et qui ont suivi la voie des Hizbiyin, à cause de ces gens-là, maintenant, les musulmans, beaucoup de musulmans ont vécu dans la crainte dans les pays musulmans et même dans les pays non musulmans aussi. Et donc, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala a fait tomber sur eux justement cette punition-là, ces gens-là, eux-mêmes qui faisaient le terrorisme, ils ont été maudits par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont semé le désordre sur la terre. Et on voit qu'ils ont été pourchassés partout et suivis partout sur la terre et ils ont peur maintenant. C'est eux maintenant qui ont peur. Et c'est eux maintenant qui doivent se cacher parce que, à cause du désordre et de la terreur qu'ils ont semée parmi les musulmans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a punis de cette manière-là, et même qu'ils se font pourchasser, Allah subhanahu wa ta'ala a même mis les kuffars contre eux. Donc ça, c'est un exemple. Et ça, c'est comme le cheikh il l'explique, c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Telle était la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit ça, c'est la loi que Allah subhanahu wa ta'ala a toujours appliquée sur les gens qui agissent de cette manière, que ce soit parmi les premiers ou, les, ou chez les derniers, parmi les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber contre ces individus-là les gens de la foi, et il fait en sorte que les gens de la foi les attrapent, hein, et les retrouvent partout où ils se cachent, n'importe où ils sont, et les font goûter des durs châtiments. Parce que ça, c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala applique sur ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas les gens du mal propager la corruption et le désordre sur la terre, et propager la crainte et la terreur, et les fausses paroles se propager partout. Il ne les laisse pas, ni parmi les premiers hommes, ni chez les derniers. C'est la même chose. La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne change pas. Et à l'époque actuelle, les gens pensent que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a changé. Les gens pensent que la justice, elle n'est plus récompensée. Et que l'injustice, elle n'est plus punie. Et ça, c'est une faute dans leur compréhension. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, encore aujourd'hui, c'est la même loi qu'avant. Il punit les gens injustes et il récompense les croyants et les gens justes. Le problème d'aujourd'hui, c'est pas dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il se trouve. Le problème d'aujourd'hui, c'est dans les croyants qu'il se trouve. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala fait appliquer sa loi lorsque les mu'minines établissent l'appel à la justice et appel au tawhid, appel à la sunna. Quand il y a des musulmans comme les ulama qui propagent la da'wah, enseignent l'islam, enseignent la sunna, ramènent les musulmans à la bonne aqidah, hein, appellent les musulmans à s'unir sur la foi et sur la vérité, à partir de ce moment-là, quand il y a des injustes qui s'opposent aux croyants par la suite, là, Allah subhanahu wa ta'ala fait établir contre eux, contre les injustes, sa punition, et il met les gens qui ont la foi au-dessus des gens qui n'ont pas la foi. Mais s'il n'y a pas d'effort fait de la part des croyants pour étudier l'islam, pour propager l'islam, pour enseigner l'islam et pour appeler à la vérité, eh bien, on reste dans la situation dans laquelle on est, hein. Et donc ça, c'est très dangereux, il faut faire attention. Donc le cheikh il dit, et tu ne trouveras pas, وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا فَهِيَ مَاضِيَةٌ لَا تَتَغَيَّرْ فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَلَا يُقَالُ إِنَّ هَذَا شَيْءٌ مَضَى فِي الْأُمَمِ السَّابِقَةِ بَلْ هُوَ يَحْصُلُ لَهُمْ أَيْضًا إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ لِأَنَّ اللَّهَ يَحْمِي دِينَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ وَعِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَحْمِيهِمْ مِنْ هَؤُلَاءِ. Le cheikh il dit que ça, c'est la sunna d'Allah et la loi d'Allah, et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah, dans la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala agit envers ces gens-là. Et ça, c'est quelque chose qui était dans le passé et qui ne changera jamais, ni chez les premiers, ni chez les derniers. Et donc, le cheikh il dit, on ne doit pas dire, ah, ça c'est quelque chose qui se passait dans les peuples passés, comme on lit dans le Coran, au sujet des histoires des autres prophètes et des autres messagers, quand les messagers venaient à leur peuple et puis que les peuples désobéissaient à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y avait un châtiment qui tombait par la suite sur les non-croyants. Ça, c'est pas quelque chose qui se passait juste à l'époque des prophètes, à l'époque des messagers. Encore aujourd'hui, si des gens appellent à l'islam et font la da'wah et que les gens refusent la da'wah, ou que les gens de l'injustice et les gens du mal et les gens du shirk et du kufr s'opposent aux croyants, il y a encore des châtiments comme ça qui tombent sur les hommes lorsqu'ils se détournent de la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a également le fait que Allah subhanahu wa ta'ala fait que ces gens-là qu'ils sèment le désordre, soient poursuivis et qu'ils soient arrêtés et qu'ils soient punis par les croyants. Donc c'est ça ce que le cheikh dit, ça va durer jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier, jusqu'à l'heure du jugement dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala va toujours protéger sa religion, va toujours protéger ses serviteurs pieux et va toujours protéger ses alliés contre ces individus-là. Ensuite, on explique maintenant le verset qui vient par la suite. يعني يسألك الناس عن الساعة. Les gens te demandent au sujet de l'heure. Donc on va voir l'explication du cheikh à ce sujet-là. C'est le verset 63. Cheikh dit: ثم قال تعالى يسألك الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة متى قيام الساعة الساعة لا بد أن تقوم ولكن متى تقوم الله أخبرنا أن الساعة ستقوم من أجل أن نستعد لها وأن نؤمن بها ونستعد لها ولكن وقت قيامها ليس لنا مصلحة في معرفته ولهذا لم يبينه الله لنا بل إنه استأثر به في علمه سبحانه وتعالى ولم يبينه لملك مقرب ولا لنبي مرسل فلا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جل وعلا فهذا من الأسئلة التي لا تجوز من التكلف والتعنت هذه من الأسئلة التي لا تجوز ومن التكلف والتعنت بل ربما يكون من التكذيب لأنهم لما أخبروا بالساعة قالوا متى تقوم هذا من باب التكذيب والاستبعاد فهذا سؤال مرفوض هذا سؤال مرفوض ولا حاجة للبشرية فيه ولهذا لم يجبهم الله عنه بل قال قل إنما علمها عند الله علم قيامها لا يعلمه إلا الله استأثر بعلمه فلم يعلمه لا الملائكة ولا الرسل ولا أي أحد ولهذا لما أخبر جبريل لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل Le cheikh explique que donc les gens ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand est-ce que va être établie l'heure du jugement dernier. Et il demande donc l'heure du jugement. Le cheikh il dit l'heure du jugement c'est obligatoire qu'elle arrive, elle va se produire. Mais quand est-ce qu'elle va se produire, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informé. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que l'heure va arriver. Pour qu'on se prépare à l'heure du jugement dernier et pour qu'on y croit. Mais en ce qui concerne le moment ou l'heure dans lequel le jugement dernier va arriver ou l'heure va arriver, ça il ne nous l'a pas dit parce qu'il n'y a aucun bienfait pour nous de la connaître. Il ne nous l'a pas expliqué, il ne nous l'a pas clarifié. Il a gardé cette science auprès de lui et il ne l'a même pas expliqué ni à un ange rapproché. Il ne l'a même pas dit ni à un messager ou un prophète. Donc, personne ne connaît l'heure du jugement dernier, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça fait partie des questions que nous n'avons pas le droit de poser. Et ça, c'est des questions qui sont, disons, dans des gens qui cherchent à trouver ça. Il y en a beaucoup parmi les gens d'égarement. Et même parmi les kuffars aussi. On a trouvé même chez les chrétiens ou certaines sectes ou certains groupes chrétiens des gens qui ont essayé de calculer à partir des lettres de la Bible le moment où l'heure du jugement dernier va se produire. Et il y en avait qui avaient annoncé que le jugement dernier allait arriver en 1914 parmi les témoins de Jéhovah. Puis par la suite, ils ont changé la date parce qu'ils ont vu que c'est pas arrivé. Alors ils ont changé la date, ils ont donné une autre date. Et même pendant ce temps-là, il y a des gens qui avaient vendu leur maison, qui avaient commencé à vendre leurs biens. Et puis, ils ont attendu l'heure du jugement dernier parce qu'ils étaient convaincus que ça allait être la fin. Eh bien, l'année est arrivée en question et la fin du monde n'est pas arrivée. La même chose pour ceux qui prétendaient, comme Nostradamus et les autres, qui prétendaient qu'à l'an 2000, il y allait avoir la fin du monde, etc., etc. Et puis l'an 2000 est arrivé, l'année est passée, puis il n'y a pas eu la fin du monde. Donc la fin du monde, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui la connaît, l'heure. Personne ne la connaît et personne ne peut la connaître parmi les hommes, ni les anges, ni les messagers, ni les prophètes. Et le cheikh, comme ils disent, on n'a pas le droit de d'essayer même de questionner à ce sujet-là. Ça fait partie des choses qui sont dépassées, qui dépassent notre limite et qu'on n'a pas le droit de questionner. Et même que si quelqu'un essaie de poser cette question-là, ça peut même aller jusqu'à être considéré comme une forme de démenti, hein, ou de négation de l'heure du jugement dernier. C'est pour ça que lorsque les koufars et les mouchriquins, lorsqu'on leur a dit par exemple qu'il y allait avoir une heure du jugement un jugement dernier ou une heure de à la fin du monde, les gens ont demandé quand est-ce que ça va venir. Mais la raison pourquoi ils posaient la question quand est-ce que ça va venir, ils posaient pas la question pour se préparer à ça. Ils posaient la question parce qu'ils traitaient ça de mensonge. Ils croyaient que c'était pas vrai. Ils croyaient que c'est quelque chose qui est peu probable que ça se produise. Hein? Donc, ça c'est pour donner un exemple. Et cette question, elle est rejetée. On n'a pas le droit de la poser. Et de toute façon, les êtres humains n'ont aucun profit, aucun bienfait de questionner ou de demander à ce sujet-là. Et surtout que on ne sait même pas si on va être vivant à l'heure du jugement, à cette heure-là, lorsque l'heure de la résurrection va être établie. Donc, c'est plus important de se préparer pour notre mort, hein, que de demander les questions au sujet de l'heure du jugement, quand est-ce qu'elle va arriver, puisque ça se pourrait même qu'elle arrive et que nous, on soit déjà mort depuis longtemps. Donc, le cheikh il dit, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu en disant bal qal qul innama ilmuha inda Allah ilmu qiyamaha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il leur a répondu dans le verset en disant par la suite, dit sa connaissance est exclusive à Allah, c'est-à-dire l'heure à laquelle le jugement dernier va être établi, c'est uniquement Allah qui le connaît. Il a gardé cette science-là auprès de lui. Personne ne la connaît, même ni les anges, ni les messagers, ni personne. Et lorsque Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui a dit dis-moi quand est-ce que va venir l'heure, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit la personne qui est questionnée ne sait pas plus que le questionneur. Donc moi je ne sais pas plus que toi au sujet de l'heure du jugement dernier. Donc ça c'est le hadith célèbre qu'on appelle le hadith de Jibril. Ensuite le cheikh il dit wallahu jalla wa ala yaqul inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghays wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir. Donc ça c'est un verset dans sourate Luqman, c'est le verset 34 dans sourate Luqman, et dans ce verset là Allah subhanahu wa ta'ala il nous explique quelque chose au sujet de mafatihul ghaib, comme on les appelle, les clés de l'invisible, et que ce sont des choses que seul Allah connaît parmi les formes de connaissance de l'invisible. Il dit la connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Okay? La connaissance de l'heure est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice, et il sait ce qu'il y a dans les matrices, c'est-à-dire dans les ventres des femmes lorsqu'elles sont enceintes, et personne ne sait ce qu'il acquérera demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Donc ça, c'est l'exemple de qu'est-ce qu'on appelle mafatihul ghaib, les clés de l'invisible. Et ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les connaît seulement. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre verset qui est le verset 187 dans sourate Al-A'raf. Verset dit يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dit, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dit, seul Allah en a connaissance, mais beaucoup de gens ne savent pas. Donc ça, c'est encore une fois un autre verset qui parle de ce sujet. Et il y a également les versets 42 et 40, de 42 à 46 dans Surat An-Nazi'at. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, yas'alunaka 'ani as-sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. C'est-à-dire le paradis, il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'ancre? C'est-à-dire quand va-t-elle arriver? Quelle science en as-tu pour leur dire? Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. Le jour où ils la verront, ils sembleront n'avoir demeuré qu'un soir ou qu'un matin. Hein? Donc ça, c'est des versets qui mentionnent le fait que personne ne connaît l'heure du jugement dernier. Et le cheikh, il dit, فالمطلوب منا ليس معرفة وقت قيام الساعة بل المطلوب منا أن نستعد لقيام الساعة بالأعمال الصالحة. هذا هو المطلوب. ولذلك أمرنا الله بالمبادرة بالأعمال قبل قيامها. فقال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. Donc après il dit ربما تكون قريبة وربما تكون بعيدة وإن أدري أقريب ما توعدون أو وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. المهم أني بلغتكم أما وقت حصوله فهو إلى فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, l'important, et qu'est-ce qui est demandé de notre part, ce n'est pas de connaître l'heure du jugement, mais c'est plutôt de savoir qu'on doit se préparer pour cette heure avec en faisant des bonnes œuvres. Hein? C'est ça ce qui nous est demandé. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous précipiter à faire des bonnes œuvres avant que l'heure arrive. Comme dans le verset 63, dans Surat Al-Ahzab justement, il dit, qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Hein? Quand sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Donc, il se peut qu'elle soit proche, il se peut qu'elle soit loin aussi. Comme dans le verset 109, dans Surat Al-Anbiya. Hein? Et je ne sais pas si elle est proche je ne sais pas si ce qui vous est promis est proche ou est-ce que c'est éloigné. Donc, c'est-à-dire, on ne sait pas si c'est proche ou si c'est loin. Mais l'important, préparez-vous en faisant des bonnes œuvres. Hein? Et l'important, c'est que le messager vous a transmis le message. En ce qui concerne le moment, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Après, le cheikh il mentionne l'autre verset qui suit. Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Il dit, Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala a maudit les kuffars. Yani, a maudit les kuffars, il leur a préparé une fournaise. Et juste au sujet des kuffars, yani, vous avez certains musulmans qui ont un problème lorsqu'on mentionne le mot kafir ou lorsqu'on mentionne le mot kafirin ou kuffar. Automatiquement, ils sont pris d'une crainte ou d'une peur ou d'un complexe. Ils veulent à tout prix ne pas mentionner le mot kafir, hein, et déformer sa signification. Il y en a qui sont allés même jusqu'à dire des choses vraiment étranges, yani, au sujet de la définition du mot kafir. Et le cheikh, il va nous donner une petite définition de qu'est-ce que c'est un kafir. Ah, mashallah. Il y a un dars en ce moment d'un cheikh. Inch'Allah, si on arrive à terminer plus tôt, on ira écouter, inch'Allah. Donc le cheikh il dit al-muhim anni balaghtukum amma waqtu husulihi fa hada ila Allah. OK. Donc le cheikh il dit ثم قال إن الله لعن الكافرين يعني طردهم وأبعدهم من رحمة الله والكافر هو الذي أنكر وجود الله جل وعلا وهو الملحد الذي لا يؤمن بربه أو الذي يعترف بالرب ولكنه لا يفرده بالعبادة بل يعبده ويعبد معه غيره ويستكبر عن عبادته وحده فالكافر يشمل الملحد الذي لا يقر برب ويشمل المشرك الذي لا يقر بالرب ولكنه يعني يعبد معه غيره فكل مشرك هو كافر وليس كل كافر يكون مشركا بل قد يكون ملحدا لا يقر برب والجميع لعنهم الله جل وعلا الملحد والمشرك إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وهذا وعيد من الله جل وعلا. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le verset 64, Allah a maudit les kafirin, les mécréants, c'est-à-dire qu'il les a chassés, qu'il les a éloignés de sa miséricorde. Et c'est ce que ça signifie. Et le kafir, c'est celui qui nie l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'athée. Hein. Mais c'est pas seulement ça. Il y a des gens qui pensent que le mécréant, c'est seulement celui qui rejette l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça peut être autre chose que ça. C'est-à-dire que le kafir, il peut reconnaître l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf que il adore avec lui d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Il adore un être humain, ou il adore une idole, ou il adore une statue, ou il adore quelque chose d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça fait partie des formes de kufr aussi, et de shirk, qu'est-ce qu'on appelle le shirk. Donc, le kafir, c'est pas uniquement celui qui nie l'existence d'Allah, mais c'est également, yani, la personne qui commet de l'association dans son adoration, qui offre à autre que Allah une forme quelconque d'adoration. Et à ce sujet-là, il y a une chose qui est importante à comprendre que je vais rajouter par rapport à ça, c'est que toute personne qui n'a pas dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il est mécréant, il est kafir. Peu importe qu'il ait rejeté l'islam après l'avoir connu, ou bien qu'il n'ait jamais connu l'islam, il est kafir. C'est-à-dire que ce n'est pas une condition pour que quelqu'un soit un kafir qu'il ait connu l'islam ou non. Du moment qu'il n'a pas témoigné du témoignage de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il n'est pas musulman, il est kafir. D'accord ? Parce qu'il y a des musulmans aujourd'hui qui ont inventé cette idée que les kuffars, c'est uniquement ceux qui ont entendu le message de l'islam et qui l'ont rejeté. Hein, et qui ont refusé d'accepter l'islam. Ceux qui pensent comme ça ou qui ont cette idée-là, ils se trompent. Parce que c'est pas une condition que quelqu'un connaisse l'islam pour qu'on affirme qu'il est un kafir. On parle des gens qui sont nés dans des familles non musulmanes. D'accord ? Ceux qui sont nés dans des familles non musulmanes et qui n'ont pas témoigné de la ilaha illallah, de Muhammad Rasulullah, peu importe où ils sont sur la terre, peu importe qu'ils aient appris ou entendu parler de l'islam ou non, ce sont des kuffars et des mushrikins. Ça, il ne doit pas y avoir de doute et d'hésitation à ce sujet-là dans notre esprit. C'est quelque chose qui est connu et qui est accepté selon l'ijma' des ulama de l'islam. Que si quelqu'un ne dit pas la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il n'est pas musulman, il est kafir. D'accord ? Maintenant, la question, s'il rejette l'islam par ignorance ou par connaissance, est-ce que ça fait une différence ? Ça ne fait pas différence sur le verdict dans cette dunya, en ce qui concerne les règles de la dunya et son des kuffars. Toutefois, il y a une différence peut-être, c'est par rapport aux gens qui n'ont rien entendu parler de l'islam. Et la différence, c'est pas dans cette vie, c'est la différence du jugement au jour de la résurrection. Premièrement, la preuve qu'on peut affirmer que quelqu'un est un mushrik ou un kafir, même s'il n'a jamais entendu parler de l'islam, c'est le verset dans Surah Tawbah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. C'est-à-dire, si un parmi les mushrikines te demande la protection pour traverser le pays, alors offre-lui la protection jusqu'à ce qu'il ait l'occasion d'entendre la parole d'Allah, et ensuite ramène-le, accompagne-le et ramène-le jusqu'à l'endroit où il veut aller, parce que ce sont des gens qui ne savent pas. Donc ça, c'est comme les ulama ont expliqué ce verset-là, c'est la preuve que quelqu'un qui n'a pas entendu le Coran, qui ne connaissait pas l'islam, il a été décrit par Allah subhanahu wa ta'ala comme étant des gens qui ne savent pas. Donc c'est la preuve qu'ils ont été nommés par Allah mushrikin, même s'ils n'avaient pas la connaissance. La preuve, Allah dit wa in ahadun min al mushrikin istajaraka. Donc c'est la preuve que ils n'avaient pas de connaissance, et malgré tout ils ont été appelés des mushrikin. Et en plus, par la suite, hatta yasma'a kalam Allah, jusqu'à ce qu'ils entendent la parole d'Allah. Donc ça, c'est la preuve qu'ils n'avaient jamais auparavant entendu la parole d'Allah, et Allah les avait quand même appelés des mushrikines. Donc ça encore, c'est une preuve, et il y a beaucoup d'autres preuves de ça également. Donc c'est pas une condition pour qu'on dise de quelqu'un qu'il est un kafir, qu'il ait appris l'islam ou connu l'islam, ou qu'il ait combattu l'islam et combattu les musulmans et combattu la religion. Non, c'est pas une condition. Du moment qu'il n'a pas dit la ilaha illallah, qu'il n'a pas dit Muhammad Rasulullah, il n'est pas un croyant, il n'est pas un musulman. Et il y en a qui se basent sur la définition linguistique du mot kafir, qui disent que le kafir, c'est celui comme le cultivateur qui creuse un trou, qui prend la graine et qui la met dans la terre puis qui la recouvre. Donc c'est comme si, en voulant dire, c'est ceux qui ont la connaissance et qui la recouvrent, qui refuse de la reconnaître, de la prendre ou de la suivre. Et ça, c'est une définition linguistique. Et on ne peut pas se baser sur une définition qui est uniquement linguistique pour définir une réalité islamique. Il faut retourner au texte de la révélation pour savoir ce que signifie un kafir ou un mushrik, et non pas uniquement en se basant sur la langue arabe. Et c'est ça les arguments que certains mentionnent, les arguments linguistiques. Et ça, c'est pas une preuve dans la charia. C'est-à-dire, s'il y a des versets qui l'expliquent et qui clarifient qu'est-ce que c'est un kafir, qu'est-ce que c'est le kufr, et qu'est-ce que c'est le shirk, et qu'est-ce que c'est un mushrik, eh bien, on peut pas, par la suite, laisser ces versets-là de côté et uniquement se référer à la langue arabe classique pour essayer de définir la réalité de qu'est-ce que c'est un mushrik ou un kafir. Et en ce qui concerne le verdict des kuffars et des mushrikines qui n'ont pas reçu le message de l'islam durant cette vie, qui n'ont jamais entendu parler ni de l'islam, ni du Coran, ni de la sunna, ni du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni des messagers, alors ceux-là, comme les gens qui vivent dans des endroits éloignés, on les appelle ahlul fitra, les gens de la fitra, ou les gens qui n'ont pas reçu de messagers. Ceux-là sont parmi les gens qui vont avoir un jugement spécial au jour de la résurrection, comme par exemple les gens qui étaient fous, ou les gens qui étaient pas capables de comprendre, mais qui n'avaient pas leur capacité intellectuelle. Ceux-là, au jour de la résurrection, ils auront un jugement particulier, et on va leur donner un test à remplir au jour de la résurrection. Et ceux qui vont répondre à ce test, qui vont avoir la bonne réaction, ou la bonne attitude, ils vont être récompensés. Ils vont être récompensés. Et ils vont être jugés dans le bien. Ils vont être reconnus parmi les croyants. Tandis que ceux qui ne vont pas bien répondre au test, eh bien, ils vont être punis. Ils vont être parmi les kuffars. Et la preuve de ça, c'est qu'il y a des hadiths qui parlent de ça, et il y a aussi des versets dans le Coran qui mentionnent ce sujet-là aussi. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et c'est-à-dire, on ne va pas les punir tant qu'on n'a pas envoyé un messager. Donc ceux qui n'ont pas reçu de messager ne vont pas être punis. Ne vont pas être punis du fait qu'ils ont rejeté les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils ne savaient pas, ils n'avaient pas reçu la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'avaient pas reçu la promesse du paradis pour les obéissants, ainsi de suite, ils n'avaient pas reçu un messager pour les avertir. D'accord? Donc, par rapport à ces gens-là, ils auront un test et une épreuve. Donc, le cheikh il dit donc, tout mushrik, toute personne qui a fait le shirk, qui est un mushrik, c'est un kafir, mais c'est pas tout kafir qui est automatiquement un mushrik. Parce que quelqu'un peut faire un acte de kufr qui n'est pas relié au shirk nécessairement. Comme par exemple, la personne qui fait le kufr en niant l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas nécessairement fait un acte de shirk. Hein? Ou la personne, par exemple, qui la personne, par exemple, qui va dire je ne crois pas aux anges, ou je ne crois pas aux livres, ou je ne crois pas à un prophète parmi les prophètes, ou à un livre parmi les livres, ou je ne crois pas à la prédestination. Ça, tout ça, c'est des actes de kufr qui n'impliquent pas nécessairement que quelqu'un a commis un acte de shirk. Donc, un mushrik, il est automatiquement kafir. Tandis que le kafir, il n'est pas automatiquement mushrik. C'est ça ce que ça signifie. Un implique l'autre, mais l'autre n'implique pas nécessairement le premier. D'accord? Et le cheikh, il dit donc que le mulhid, le mushrik, tous les kuffars, les athées, les bouddhistes, les hindous, les krishnas, peu importe leur religion, leur croyance en dehors de l'islam, tous ces gens-là sont des mushrikines, les chrétiens, les juifs, les athées, yani, tous ces gens-là sont des mushrikines et des kuffars. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à leur sujet dans le verset 64, Allah a maudit les kafirines et il leur a préparé une fournaise. Il leur a préparé une fournaise, c'est-à-dire il leur a préparé sa'ira, c'est-à-dire l'enfer. Et ensuite, dans l'autre verset, il dit خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا, pour y demeurer éternellement sans trouver ni allié ni secoureur. C'est-à-dire, ils ne vont pas trouver ni d'allié ni secoureur pour les protéger. Hein? Et donc, ça c'est le verset 64-65. Ça c'est une menace d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces gens-là. Parce que les kuffars et les mushrikines, ils vont rester dans l'enfer pour l'éternité s'ils meurent dans le kufr ou dans le shirk. S'ils ne se repentent pas avant leur mort, et s'ils ne se sont pas repentis avant leur mort, ils vont demeurer éternellement dans l'enfer. Et le verset par la suite, le verset 66, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول عرفوا أنهم ما دخلوا النار إلا بمعصية الله ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم فيتمنون أنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أدركوا خطأهم وعرفوا تفريطهم ولكن لا ينفعهم الندم لو كان هذا في الدنيا إن الإنسان يندم ويتوب إلى الله ويرجع ويستغفر فإن ذلك ينفعه ولكن عندما ينزل به الموت أو عندما يعني يبعث يوم القيامة ويرى العذاب فإنه لا ينفعه هذا التندم وهذا التأسف بل هذا Donc le cheikh il dit, à la suite de ces versets-là, il y a le verset 66 qui dit, le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils diront, hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi au messager, hein, que Allah nous protège d'une chose pareille. Donc, le cheikh il dit, ils ont reconnu ce jour-là que la raison pour laquelle ils sont dans le feu, c'est parce qu'ils ont uniquement parce qu'ils ont désobéi à Allah et à son messager. Et donc, ils souhaiteraient à ce moment-là qu'ils auraient obéi à Allah et à son messager lorsqu'ils étaient vivants sur cette terre. Hein, ils ont compris leur erreur. Ils ont reconnu leur manquement et leur négligence. Et ils ont des remords. Et le cheikh, il dit, mais les remords ne leur servent à rien ce jour-là. Hein? Si c'était dans cette vie, durant leur vie, et qu'ils étaient encore sur la terre, eh bien, lorsque quelqu'un a des remords, il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, il revient, il demande pardon. Et donc ça, c'est bénéfique pour lui. Mais une fois que la mort est tombée sur toi, et que tu es au jour de la résurrection, et que tu vois le châtiment devant toi, alors le remords et d'avoir des regrets, ça ne servira à rien. Et même que au contraire, non seulement ça ne servira à rien, mais ça augmente le châtiment de la personne. Ça augmente le châtiment de la personne à ce moment-là. Le cheikh dit, wa qawluhum ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. دليل على أنه لا نجاة في الآخرة ولا نجاة من النار إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكنهم بدل أن يطيعوا الله ورسوله أطاعوا سادتهم وكبراءهم وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل عرفوا أنهم ما صاروا إلى هذه العاقبة الوخيمة إلا بسبب أنهم أطاعوا سادتهم وكبراءهم في معصية الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف فلا تجوز طاعة السادة وهم الرؤساء والكبراء كرئيس القبيلة ورئيس الدولة وقيم البيت كل كبير في محيطه لا تجوز طاعته لا الرئيس ولا الكبير إلا إذا لم يأمر بمعصية الله. Donc le cheikh il dit que ce jour-là ils vont dire malheur à nous, hein? Malheur à nous si seulement nous avions obéi à Allah et obéi au messager. Donc ça c'est la preuve qu'il n'y a rien qui peut nous sauver dans l'au-delà, il n'y a rien qui peut nous sauver de l'enfer, excepté l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais ces gens-là, hein, ces kuffars au jour de la résurrection, au lieu d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu d'avoir obéi à Allah, au lieu d'avoir obéi à son messager, ils ont obéi à qui? Ils ont obéi à leur chef, à leur dirigeant, hein, comme on voit dans le verset 67 dans Surat Al-Ahzab, le verset qui suit. Et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Le cheikh explique, il dit, hein, au lieu d'avoir obéi à Allah et son messager, ils ont obéi à leurs chefs et à leurs grands, à leurs hommes importants, à leurs grands hommes. Ils ont dit, ce sont eux qui nous ont égarés du sentier, dans le verset 67. Ils ont reconnu que cette mauvaise fin qu'ils ont eue, c'est uniquement à cause qu'ils ont obéi à leur chef et à leurs grands hommes dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné d'obéir à nos dirigeants, mais dans la désobéissance d'Allah, on n'a pas le droit d'obéir à quiconque. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance du créateur. Peu importe qui il est, peu importe qu'il soit musulman ou non musulman. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné d'obéir à nos dirigeants, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, qu'ils soient pieux ou qu'ils soient pervers, qu'ils soient justes ou qu'ils soient injustes, qu'ils soient des hommes honnêtes et pieux ou qu'ils soient des tyrans et des dictateurs. Il nous a ordonné de les écouter et de les obéir, sauf dans le péché. On n'a pas le droit d'obéir dans un péché. S'il y a un ordre qu'il te donne et qui comprend une désobéissance à Allah ou une désobéissance au messager, tu n'obéis pas dans ce péché-là et dans cette désobéissance. Tu obéis dans le reste, mais pas dans ce péché et pas dans cette désobéissance. Et c'est pour ça, et même la même chose pour les autres personnes qui ne sont pas les dirigeants ou les chefs d'un pays ou les présidents, mais qui sont des responsables ou des chefs en dehors de la présidence, par exemple des gens qui sont chefs d'une compagnie, ou le mari pour sa femme, ou le père pour ses enfants, ou etc. Donc tous ceux qui ont une position de responsabilité et d'autorité, on n'a pas le droit de les obéir si c'est pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est quelque chose que chaque musulman doit comprendre. Parce qu'il y a des musulmans, parfois, par l'amour qu'ils ont pour leurs parents et le respect qu'ils ont pour leurs parents, ils obéissent à leurs parents dans le bien et dans le mal. Et ils pensent que c'est ça l'obéissance dans l'islam, que c'est ça qui est ordonné de la part des enfants envers leurs parents. Non. Si tes parents te demandent de désobéir à Allah, tu n'as pas le droit de les obéir dans ça, parce que c'est un péché. D'accord? La même chose pour une femme qui est mariée avec un homme, et son mari lui demande de faire un péché, ou de faire quelque chose qui est haram dans l'islam. Elle n'a pas le droit, même si elle aime son mari, même si elle est obéissante envers son mari, elle n'a pas le droit de l'obéir dans ce péché-là. Et la même chose pour les dirigeants d'un pays. Hein? S'ils te demandent de faire un péché, hein, de tuer quelqu'un qui ne mérite pas d'être tué, ou de faire quelque chose que tu n'as pas le droit de faire dans l'islam, eh bien tu n'as pas le droit de le faire, même si on te demande de le faire. Et même si on te punit, si tu ne le fais pas, tu n'as pas le droit de le faire. Hein? Donc le cheikh il dit, un autre hadith qui dit, « Innama ta'atu fil ma'aruf » L'obéissance doit uniquement être dans le bien. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon Ali ibn Abi Talib. Donc ça c'est des hadiths qui sont authentiques, qui nous expliquent que l'obéissance à une créature doit uniquement être dans le bien, dans qu'est-ce qui est permis dans l'islam, dans qu'est-ce qui est pas un péché, c'est ça que ça veut dire. Et il n'est pas permis d'obéir à nos dirigeants, d'obéir à nos grands hommes, hein, ou que ce soit un chef d'une tribu ou un chef d'un pays, ou le responsable d'une maison, ou une personne qui a une autorité ou qui a une responsabilité d'autorité, on n'a pas le droit de l'obéir, qu'il soit un président, qu'il soit un grand homme, ou peu importe qui il est, s'il nous ordonne de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et il dit فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ il dit لِأَنَّهُمْ تَرَكُوا طَاعَةَ اللَّهِ وَطَاعَةَ رَسُولِهِ وَأَطَاعُوا بَدَلَ ذَلِكَ السَّادَ وَالْكُبَرَى فَضَلُّوا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فَضَلُّوا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْهِدَايَةَ تَكُونُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَأَنَّ طَاعَةَ غَيْرِ اللَّهِ طَاعَةٌ وطاعت غير الرسول صلى الله عليه وسلم ضلال والعياذ بالله ذلك مما يؤكد على المسلم أن يلزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتجنب البدع والشرك والخرافات لأنه سيكون مصيره يوم القيامة مثل مصير هؤلاء إذا أطاعوا غير الله وغير الرسول صلى الله عليه وسلم في معصية الله سيكون هذا مآله يوم القيامة ثم دعوا عليهم فقالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. Donc ça, juste en passant, ça comprend également les obéissances par exemple dans des pays non musulmans, des lois qui ordonnent aux gens de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans des lois qui ordonnent aux musulmans de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le droit d'obéir dans ces lois-là, parmi les lois des kuffars. Donc s'il y a une loi dans les pays des musulmans ou dans les pays des kuffars qui nous oblige ou nous force à faire ce qui est haram ou à abandonner ce qui est obligatoire, on n'a pas le droit d'obéir dans ces lois-là. D'accord? Parce que c'est de désobéir à Allah. Et donc, le cheikh dit, les koufars ont dit, ils nous ont égarés. C'est-à-dire, c'est nos grands hommes et nos responsables qui nous ont égarés du droit chemin. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné l'obéissance d'Allah et l'obéissance du messager. Et au lieu d'obéir à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont obéi à leurs responsables, à leurs grands hommes, à leurs chefs, à leurs présidents, à leurs dirigeants, dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils se sont égarés, qu'Allah nous protège de ça. Et il dit, ça prouve que la guidance, c'est d'obéir à Allah et d'obéir à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 54 dans Surat An-Nur, « وَإِن تُطِيعُهُ تَهْتَدُوا » Et si vous lui obéissez, vous allez être bien guidé. Donc l'obéissance d'autre que Allah et d'autre que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, est un égarement, si c'est une obéissance dans le péché. Donc, le cheikh il dit, et ça c'est ce qui indique que le musulman, il doit s'accrocher et rester ferme sur le Coran et sur la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et s'écarter de toute bid'a, de toute forme de shirk et de toute forme de superstition et de mal, d'opposition, de choses qui sont contraires à la révélation. Et sinon il aura le même sort au jour de la résurrection que ceux qui l'ont suivi. Hein? Donc les musulmans, alhamdoulilah, Allah nous ordonne d'obéir à nos dirigeants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne d'obéir à nos dirigeants dans le bien. Ça c'est quelque chose qui est vrai, qui fait partie des principes de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. C'est obligatoire dans l'islam d'obéir à nos parents, d'obéir à nos la femme doit obéir à son mari, d'obéir aux dirigeants du pays dans le bien. Mais s'il y a un péché qui est ordonné, on n'a pas le droit d'obéir à personne, hein, dans ce qui est contraire à ce que Allah et son messager ont ordonné. D'accord? Parce que sinon, quelqu'un va dire, ah, mais ça c'est mon dirigeant, je dois l'obéir, je dois le respecter. Et il va le suivre dans sa bid'a, ou il va le suivre dans ses idées, qui sont contraires à l'islam. Il va le suivre dans sa façon de penser, dans sa politique. Et il va s'égarer. Et au jour de la résurrection, il va mettre le blâme sur eux, sur les dirigeants. Il va dire, c'est pas de ma faute, j'ai suivi mes dirigeants. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas permis qu'on obéisse aux gens dans le péché. Et la même chose pour les parents, hein, les parents qui étaient dans une tariqa, ou qui étaient dans une voie d'égarement, ou sur une bid'a, ou sur une fausse compréhension de l'islam, ou sur des péchés, ou sur des choses mauvaises, hein. Et les gens vont dire, ils vont dire à Allah, oh Allah, j'ai suivi mes parents, j'ai obéi à mes parents, hein. Et la même chose pour les autres. Le cheikh il dit que ces gens-là qui les ont suivis dans le péché, qui ont suivi leurs dirigeants ou leurs chefs ou leurs grands hommes dans le péché, ils vont avoir le même sort et la même destination qu'eux, parce qu'ils ont obéi à autre qu'Allah et à autre que son messager dans le péché, hein? Et ils vont invoquer contre eux au jour de la résurrection, c'est-à-dire à ce jour-là, au jour de la résurrection. Comme c'est marqué dans le verset 68, les koufars vont invoquer contre ces gens-là, contre ceux qui les ont égarés. Ils vont dire, ô notre Seigneur, inflige-leur deux fois le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. Donc ceux qui ont été la cause de l'égarement des autres dans leur vie, eh bien, ils vont recevoir de la part de ceux qu'ils ont égarés des invocations et des malédictions, hein? Donc ça c'est ce qui va arriver au jour de la résurrection. Et il dit wa yatabarrauna yawm al-qiyamati yatabarra'u al-matbu'u min at-tabi'. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit istabarra'a alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u wa ra'u al-'adaba wa taqatta'at bihim al-asbab. Donc ce jour-là, les gens qui ont été suivis vont se désavouer de ceux qui les ont suivis, hein? Ceux qui ont eu des fidèles, qui ont eu des gens qui les ont suivis dans l'égarement, ils vont se désavouer de ceux qui les ont suivis. Ils vont dire, moi j'ai rien à voir avec ces gens-là. Hein, eux, ils m'ont suivi dans ce que j'ai enseigné, mais moi j'ai rien à voir avec eux. Hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront brisés. Hein, ils vont se désavouer, comme Allah il dit dans le verset 166 et dans le verset 167 à la suite, et les suiveurs diront, ah, si un retour nous était possible, alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. Allah leur montra leurs actions, source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Donc c'est-à-dire même là, les gens qui ont suivi ces gens-là, ils vont dire à ce jour-là, si on pouvait retourner sur la terre et leur faire la même chose que qu'est-ce qu'ils nous font aujourd'hui, ils se désavouent de nous, hein, et bien si on pouvait retourner dans la vie, on ferait la même chose, on se désavouerait d'eux. Mais il est trop tard. Et il mentionne également le verset 25 dans Sourate Al-Ankabut, hein, les araignées. Le cheikh dit وَيَتَلَعَنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَتَلَعَنُونَ. Ils s'envoient les malédictions les uns des autres au jour de la résurrection. وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. Ça dit, et Abraham dit, et en effet, pour cimenter des liens entre vous dans la vie présente, c'est pour cimenter des liens entre vous dans la vie présente, dans la vie d'ici-bas, que vous avez adopté des idoles en dehors d'Allah. Ensuite, le jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres. Et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez le feu pour refuge et vous n'aurez pas de protecteur. Hein? Et comme on voit dans le verset 31 dans Sourate Saba, وَلَوْ لَأَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. Ça, c'est des graves paroles, yani, de la part des koufars, yani, ce jour-là. Comme le verset 31 dans Sourate Al-Saba, ils vont dire, ils diront, et ceux qui avaient mécru dirent, jamais nous ne croirons en ce Coran, ni en ce qui l'a précédé. Si tu pouvais voir quand les injustes seront debout devant leur Seigneur, se renvoyant la parole les uns aux autres, ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, sans vous, nous aurions certes été croyants. Et qui vont dire, sans vous, nous aurions certes été croyants. En voulant dire, c'est à cause de vous qu'on n'est pas croyants, qu'on n'a pas été des croyants, parce qu'on vous a suivis. C'est-à-dire, ils les ont suivis dans le kufr. Ils les ont suivis dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, dans le verset par la suite, dans le verset 32, hein, الله سبحانه وتعالى يقول وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. C'est-à-dire, ceux qui s'enflaient d'orgueil diront à ceux qu'ils considéraient comme faibles, est-ce nous qui vous avons repoussé de la bonne direction après qu'elle vous fût venue? Mais vous étiez des criminels. Vous étiez plutôt des criminels. C'est-à-dire, c'est vous-même qui aviez refusé la vérité et qui étiez des criminels. Hein? Et ça continue comme ça dans le verset qui suit. Hein? Dans le verset 33. Et ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, c'était votre stratagème plutôt nuit et jour de nous commander de ne pas croire en Allah et de lui donner des égaux. Et ils cacheront leurs regrets quand ils verront le châtiment. Nous placerons des carcans au cou de ceux qui ont mécru, les rétribuerait-on autrement que selon ce qu'ils œuvraient. Hein? وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Donc ça, c'est des paroles et des exemples de qu'est-ce qui va se produire entre ces gens-là au jour de la résurrection, entre les gens qui ont cru et entre les gens qui ont mécru et ceux qui étaient faibles et qui ont suivi leurs hommes qui étaient forts et puissants. Donc ça, c'est des exemples pour nous faire réfléchir et pour nous faire comprendre qu'il faut bien faire attention quand on suit des gens dans quelque chose. Et de les suivre, d'être certain que c'est la vérité. Et la même chose pour le shaitan. La même chose pour le shaitan, c'est la même technique qu'il utilise. Cheikh, il dit, « Hatta Iblis, الذي أغوى الجميع يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان يتبرأ منهم ويوبخهم ويقول أنا لم أجبركم أنتم الذين أطعتموني اختيارا منكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي لا أنتم لا تقدرون على إنقاذي مما أنا فيه ولا أنا أقدر على إنقاذكم مما أنتم فيه إني كفرت بما أشركتموني من قبل هكذا مآلهم يوم القيامة. Ça, c'est le verset 22 dans Surat Ibrahim, alayhi salam. C'est comment le shaitan, il se désavoue de ces gens-là au jour de la résurrection. Donc, et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, hein, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes associateurs. Donc ça, c'est comment les gens vont se lancer la balle au jour de la résurrection. Ils vont se lancer les blâmes et les reproches et les remords, hein, au jour de la résurrection. Et les gens vont chercher un moyen pour essayer de se sortir en accusant les autres, mais ça ne leur servira à rien, puisque chacun est responsable de lui-même et de qu'est-ce qu'il a fait ou de qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Hein? Et le cheikh, il dit, par opposition à ça, أَمَّا أَهْلُ الْإِيمَانِ فَإِنَّ مَوَدَّتَهُمْ دَائِمَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَالْمَحَبَّةُ فِي اللَّهِ تَبْقَى قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فالمحبة الإيمانية تبقى يقول الله تعالى عن أهل الجنة إخوانا على سرر متقابلين دل على أنهم تبقى المحبة في الله في الدنيا والآخرة أما المحبة في غير الله فإنها ستكون حسرة وندامة. Hein, donc le cheikh, il dit, en ce qui concerne les gens qui se sont aimés dans la foi, les gens de la foi, ils s'aimeront tout le temps et toujours, dans cette vie et dans l'au-delà, parce que leur amour était en Allah subhanahu wa ta'ala, et cet amour qu'ils avaient les uns pour les autres dans le plaisir d'Allah, dans l'obéissance d'Allah, dans ce que Allah aime, elle va demeurer pour toujours, hein. Et il mentionne dans le verset dans Surat Az-Zukhruf, le verset 67, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Al-akhillau yawma'izin ba'duhum li ba'din adoun, illa al-muttaqid. Les gens qui étaient des amis ce jour-là, au jour de la résurrection, ce jour-là, ils vont être des ennemis. Ils vont devenir des ennemis. Illa al-muttaqid. Excepté les gens qui étaient pieux, qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tous les liens d'amitié entre les hommes au jour de la résurrection, vont se transformer en animosité et en haine. Les gens vont se détester les uns les autres. excepté les pieux, excepté les gens qui ont cru en Allah, excepté les gens qui ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, qui se sont encouragés dans le bien et dans la foi et dans la piété et dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui se sont aimés dans le bien et pour le bien et pour la foi et pour l'islam, ceux-là vont s'aimer au jour de la résurrection, ils vont continuer à s'aimer, tandis que les autres vont se détester, ils vont se maudire les uns les autres, vont s'insulter les uns les autres, ils vont se repousser, se rejeter et se renier les uns les autres et se désavouer les uns des autres. Donc le cheikh il dit, la foi qui est basée sur l'amour qui est basé sur la foi, elle va demeurer, elle va rester. Hein? Et les gens qui vont être dans le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 47 dans sourate Al-Hijr qu'ils vont être des frères, hein, qui sont accoudés sur des lits, les uns en face des autres, en train de se regarder, en train de discuter ensemble, et ils vont s'aimer. Et cet amour, elle va rester parce qu'elle était un amour qui était pour le plaisir d'Allah et dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette dunya et dans l'akhirah. Mais ceux qui se sont aimés pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui se sont aimés pour des choses de la dunya, ou qui se sont aimés pour dans le péché, ou dans la désobéissance, ou dans le kufr, ou dans le shirk, ou dans la bid'a, ou dans l'égarement, eh bien ceux-là, au jour de la résurrection, leur amour en autre que Allah va se transformer en regret, en remords au jour de la résurrection. Donc ça c'est très grave et très dangereux. Donc il faut faire attention de faire en sorte qu'on s'aime dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on s'aime dans la vérité, et qu'on s'encourage dans la vérité, et qu'on travaille ensemble dans la vérité, et de pas prendre la religion pour un jeu et pour un divertissement, comme certains aujourd'hui, hein, qui voient par exemple les salafis, ou qui voient des musulmans qui sont sur le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs, qui disent mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là, ils sont tellement énervés, sérieux dans la religion, ils sont tellement ils prennent ça tellement au sérieux, tellement à cœur, hein. Pourquoi ils prennent pas ça plus relax, plus cool, hein? Pourquoi ils prennent la religion tellement au sérieux comme ça? Parce que pour eux la religion c'est pas sérieux, hein? Et quand ils en parlent, on les voit en train de se moquer de ceux qui suivent le Coran et la Sunna et qui sont stricts et qui sont assidus, qui sont sérieux sur la révélation. Ils les prennent pour des gens yani qui exagèrent, et au jour de la résurrection ils vont regretter. Ils vont regretter tout ça. On demande à Allah de nous épargner et de nous protéger et de nous guider et de nous mettre l'amour dans notre cœur, et que cet amour soit un amour qui est basé sur la foi, qui est basé sur la sincérité, qui est basé sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et la vérité, et de nous protéger du sort des gens qui s'aiment en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, qui tombent dans l'égarement, qui tombent dans le shirk, qui tombent dans la bid'a, qu'il nous protège de ces gens-là et qu'il nous protège de leur sort également, et qu'il nous mette au jour de la résurrection avec les prophètes, avec les siddiqines, avec les shuhada et avec les salihines. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera notre cours lundi prochain, inshallah. Sinon il y a le cours mercredi, inshallah, le cours de Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته